on va continuer justement à élaborer, et à un moment donné, ça va finir par être clair. Bon, alors ce soir, c'est une base, là, tu ouvres un thème, un concept. On remet. Bon. Alors, à un moment donné, alors, pour ceux qui trouvent cette matière-là aride, ben, je vous rappelle qu'il y a des cassettes qui sont faites, qui sont enregistrées, donc, et que vous pouvez avoir gratuitement la première partie de cet entretien, là, à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel. Il y a également le prochain séminaire sur l'homme